Géraldine Bosta-Savoie, vous avez découvert l'existence d'une nouvelle frange de population. De la population? Ah oui, de population, oui. Je crois que c'est la même... Enfin, ouais. Non, mais c'est parce que je suis perturbée, j'ai plus la BO du Grand Bleu derrière voilà. Moi, donc je trouve ça pas mal. Oui, mais alors, bon, bref, allez-y. Est-elle nombreuse, étendue, forme-t-elle cette frange de la population une entité à part entière? Va-t-elle bientôt avoir des revendications? Quel est son réseau? Vous vous demandez de qui je parle? Eh bien, des... antitests. Et oui, après les antivax, les anti-Macron, les antipass, les anti-Covid, les anti-masses, les anti-systèmes, voici donc les antitests, soit bon. Grosso modo, ceux qui en ont marre des tests pas toujours fiables et qui misent donc tout bonjour sur l'honneur Guillaume, pour se déclarer covidé ou pas. Et chef d'orchestre, cette population, Christophe alors, Rousset. Pourquoi Arnaud Laporte en même temps que moi? Il y a une petite perturbation. Vous avez été coupé par Guillaume Laporte. Arnaud Laporte est assez mal poli, il intervient n'importe quand. On n'a pas à lui demander quand il doit intervenir. Vous parliez donc des anti-vax, ouais, des anti-Macron, des anti-Zemmour, des anti-pass, et nous en arrivions donc aux anti-tests, voilà, donc, une catégorie nouvelle. Voilà, qui en ont marre des tests, pas toujours fiables, qui misent tout sur l'honneur pour se déclarer covidé ou pas. Cette population est floue, qu'ont-ils en tête? Comment procèdent-ils? Ne mettent-ils que la moitié de l'écouvillon dans le nez, voire rien du tout? Peu importe, car ce qui importe ici, Guillaume, c'est cette manière de se positionner sur le moindre sujet, non pas pour, mais contre, sans toujours savoir pourquoi, et en vue d'ailleurs de quoi on se bat. Mieux vaut être anti, phobe ou miss quelque chose pour se faire entendre, mieux vaut être contre, voire réac pour penser qu'on pense. Alors certains, j'imagine, doivent même être anti-anti, et voilà que l'opposition qui, de la logique à l'éducation, met en balance son opposé, par exemple, altérité-identité, négatif-positif, faux-vrai, etc., etc., ne sait donc plus à quoi encore s'opposer. C'est peut-être une bonne nouvelle, enfin se finit le règne de la pensée binaire. Quelle belle relance, Guillaume, que je vous ai écrite là, j'étais sûre qu'elle allait vous convenir. Eh bien voilà, c'est toute la question, Guillaume, car pourquoi tout a donc été construit en termes opposés? Prenez par exemple la logique dans l'Antiquité. Aristote, dans un de ses traités, l'Étopique, que vous devez lire régulièrement, j'imagine, Guillaume, et qui nous dit ceci. Le but de ce traité, je vous dis ça de mémoire, est de trouver une méthode qui nous mette en mesure d'argumenter sur tout le problème posé en partant de prémices probables et d'éviter, quand nous soutenons un argument, de ne rien dire nous-mêmes qui soit contraire. Alors, soit par ce simple terme de contraire, car j'espère que vous avez bien écouté cette citation, d'une pensée qui pour être valable et valide ne doit souffrir aucune contrariété. Ou plutôt, soit grâce à Aristote, la naissance d'une pensée qui pour être correcte, écoutez bien, doit à la fois faire exister et rejeter en dehors d'elle toute forme de fausseté, de conflit, d'invraisemblance, autrement dit d'opposition. Et c'est là qu'est tout le paradoxe de l'opposition. Elle n'existe donc pas sans son contraire, par elle-même. Et un pro a tout autant besoin d'un anti qu'un anti a donc besoin d'un pro. Mais qu'en est-il quand il n'y a que des anti ou qu'on se laisse à penser que la seule manière de critiquer n'est que l'opposition? Je pourrais vous répondre qu'il n'y a que vanité, absurdité, stérilité, que des mots en T. Et je vous comprends, comment faire autrement quand Aristote nous a dit que la contrariété est le contraire de la pensée logique? Et comment penser autrement? Imaginez un pur anti, que pourrait-il défendre positivement? Que peut-on attendre d'un anti qu'il ait une pensée pleine, optimiste, consensuelle? Un anti peut-il être pro quelque chose sous peine de ne plus être anti et de perdre sa valeur subversive? C'est là le problème. De la même manière qu'une pensée correcte a besoin de l'inexact pour être correcte, un anti a besoin de ce contre quoi il se bat pour exister. Il n'est pas stérile, il donne vie et contre toute attente à ce qu'il ne valide pas. C'est d'ailleurs plus qu'un problème pour lui, c'est un drame. Il existe pour faire exister une chose dont il dénie pourtant l'existence. L'enjeu ne concerne donc pas l'omniprésence des anti, l'augmentation supposée. Il n'y aura jamais que des anti, ceux-ci ayant toujours besoin d'autre chose que même pour être précisément anti. Et l'enjeu ne concerne pas non plus la dérive d'un espace public devenu champ de bataille, clivant ou agonistique, comme on dit. Non, il faudrait plutôt s'inquiéter de l'opposition elle-même. À quel moment peut-elle devenir autre chose qu'elle-même, à savoir... pas simplement opposé, anti, à quel moment justement devient-on vraiment anti-binaire?